En belle mélodie, en black princess, son déesse, son ange du paradis. Girl sexy, c'est ça toute nos mauvais. En huitième éveil du monde, bon t'es maître, si t'es yéba éveil. Quand t'es qu'à foi, si t'es yon béjou. Bon, moi c'est un gars qui a symbolisé l'amour. Les celles qui j'ai fait, vibre qu'un moins. Pour yon de profond qui fait comme ça. T'es tout finalement. Simple, naturel, tout ce qu'on sait, c'était miel. Trois petits indices, yon gars qu'on s'y a, franchement, il est belle. Ça capte moins de voix, de party day. Femme la sabelle, on peut mettre rien de soleil. Il faut être rosé de chaque matin. Il est défaut pour toute femme, mais il cavaux 20 sur 20. Bah moi, c'est ça, il est un mais ou ça, ça. Et ça, c'est pour la vie. Oh, tu dis ça, qu'est moi qui touche la vie. Malgré tout ça, qui j'aime pas sur notre déception, tristesse, pas plus fort qu'il en veut. C'est vous, c'est moi, mais il s'assied pour toujours. Premier love story en ville, ça t'est avec un plaisir. Couple en nous, pas t'es né bon sauce. T'es né bon jalousie, hypocrite de craigre. T'es trop bien baillou, j'acconnais de jalousie. Il était sans combine, câline, taquine. C'est vrai coquine, ça pas te jeune la routine. Pas moins été qu'on cocaïne. Anti-afro, MC, bon micro. Sans songer qu'à peut-être ton jour, moi t'es tombé de haut. Mauvais délire, t'es pas à moi. Ça t'est peut être malhonnête, stupide. En fait, fil en moi. Pour un autre sexy, pour ça, maman, y'en vine la gueule. Cher à moi, pour qu'on n'y a pas tenu foi. En fait, souffre. Enfin, pas comprendre ça trop tard. Il t'est ni rancœur, il pas, j'ai pardonné moi ça. Malgré tout ça, malgré tout ça, j'ai dit, ouais, mais où c'est ça. Et ça, c'est pour la vie. Oh, tu dis ça, qu'est moi qui touche la vie. Malgré tout ça, qui j'ai passé notre époque. Déception, tristesse, pas plus fort qu'il en veut. C'est moi, et ça, c'est pour toujours. Après tout ça qui passait, en qu'est pardonner, c'est vrai. Moi, t'es pas empêché, amer. Abisé, abandonné, et sans que sa vie l'éveille. On l'était, j'ai passé notre époux. Déception, tristesse, pas plus fort qu'il en nous. C'est vous, c'est moi, mais il s'assait pour toujours. Tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout,